t'en parles des groupies, moi je veux juste faire de la malle. Les sentiments c'est comme le fils, qu'il faut pas tout déclarer. Et je sais que l'amour en t'arrête, donc j'ai peur m'égarer. Je sais que tu rêves la belle vie, voir grandir mon fils. Mais est-ce que tu seras là quand je veux prendre du pige? On a grandi, on a connu les galères. Je crois pas, non. C'est triste. Ça t'en malade. Mon fils, balade. Je te ménage, tu rages. Oh non. Faudra tourner la page. Oh non. Monsieur ne se mélange pas. Il m'étonne à chaque fois. T'auras beau lui faire la cour, il ne bougera pas. On a tout besoin.